sait ce qu'il a dans l'écoute. Imagine si un jour on se réunit. Ici c'est avec les cocos qu'on communique. Ici pour pas flanquer ça part en embrouille. Chacun veut prouver ce qu'il a dans l'écoute. Imagine si un jour on se réunit. Ici c'est avec les cocos qu'on communique. Ici les batteux prennent pour les gars d'ultimètre. Belac au feu, nous sommes les centres, nous jette pas l'allumette. Là où les rêves ont déserté, la nuit même nos cauchemars prennent la fuite pour s'écarter. Le frigo vide, faut faire vite avant qu'on balise. Ici tellement que c'est fiche, même les cafards ont fait leurs valises. On a beau dire, mais on navigue tous dans le même paquebot. Tellement que c'est la merde, Nicolas veut tirer la chasse d'eau. Quand tu subis une paire qui est sauvage, le jour où mon daron est la terre dans sa cristasse. Vous notez 5 keufs pour m'encercler, 5 keufs pour me stopper, 5 keufs pour me bloquer. De mon frère, transféré au parquet de Boba. Si je fermais les yeux, c'était que la juge était trop moche. L'état sur son honneur, génération baisée, chaque minute on sur son honneur. Ici pour pas flanquer, ça part en embrouille. Chacun veut prouver ce qu'il a dans l'écoute. Imagine si un jour on se réunit. Ici c'est avec les cocos qu'on communique. Ici pour pas flanquer, ça part en embrouille. Chacun veut prouver ce qu'il a dans l'écoute. Imagine ça, un jour on se réunit. Ici avec les cocos qu'on communique. Tout est speed, tout va vite, c'est nos têtes qui ne tiennent plus. Tous ces riches, tous s'en fichent de la misère qui tue. C'est la haine, c'est la vie, c'est la merde qui nous guide. C'est la peine, c'est la vie, c'est la merde qui nous crise. Assis sur un banc, on sait qu'on n'avance pas. L'État nous fait les poches, pourtant on sait que c'est la lerga. Vous étonnez pas si on a le pied dans la babo. A chaque appel de la prière pour effacer mes fardeaux. Mon texte brise le silence. Derrière le rideau, on sait que le plan tu manigances. Braquer des portes, on sait que c'est pas la solution. On a beau se ranger, mais on reprend la mauvaise direction. On rêve de piller les pieds sous le sable d'Hawaï. Et c'est pour se faire entendre, on est obligé de foutre le darwa. Nous, on attend notre Barack Obama. Oh là là, le changement vite, parce qu'on en a marre. Ici pour pas flanquer, ça part en embrouille. Chacun veut prouver ce qu'il a dans l'écoute. Imagine si un jour on se réunit. Ici c'est avec les cocos qu'on communique. Ici pour pas flanquer, ça part en embrouille. Chacun veut prouver ce qu'il a dans l'écoute. Imagine si un jour on se réunit.